Bosco, Douimana. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 31 mars 2021. Voici les grands titres de cette grande édition de cette mi-journée. Des détenus coupables de crimes économiques disent qu'ils ne pourront pas rembourser les sommes détournées comme l'a exigé le président de la République dans son annonce de la grâce présidentielle. Dans une conférence de presse ce mercredi, le représentant de l'association de défense des droits des prisonniers a suggéré les travaux d'intérêt général. Et le ministre en charge du développement communautaire met en garde les commissionnaires contre l'illégalité de leurs activités. Gervais Ndira Kobuta a fait une descente ce mercredi sur certains espaces commerciaux dans la ville de Bujumbura. Dans ce journal, nous vous proposons aussi un reportage personnalisé sur une fille passionnée de mécanique et qui répare motos et bicyclettes en Ngozi depuis plus de 10 ans. Et dans la chronique sur les messages de haine, comme tous les mercredis, l'on vous montre comment la standard morale d'un leader sur ses sympathisants l'appelle à être aussi un témoin actif et non passif. Voilà pour l'essentiel. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. La production caféicole va chuter cette année par rapport à celle de la saison dernière. En Provence Ngozi, où on a obtenu 2000 tonnes de café cerise sur 4500 tonnes prévues. Propos du superviseur de l'Office de développement du café dans la région de Ngozi, Félicien Nidibitanga dit attendre pourtant du café de bonne qualité suite aux mesures prises visant la diminution des centres de collecte du café cette année avant que ce produit n'arrive à la station de lavage. Apollinaire Mouzagara pour plus de détails. Presque toutes les stations de lavage de l'Office du développement du café qu'à la province Ngozi ont déjà débuté la campagne de réception du café cerise. La dernière station ouvrira ses portes le 6 avril prochain d'après le superviseur de l'ODECA en Ngozi. Félicien Nibitanga indique que les travaux de montage des machines et de réparation des tables de séchage du café ont pris fin sur toutes leurs stations. Il parle néanmoins d'une faible production par rapport à la campagne précédente, non pas par relâchement dans l'entretien des plantations caféicoles, mais plutôt à cause de la cyclicité. L'an passé, 2134 tonnes de café cerise ont été collectées sur 4500 tonnes prévues en faible rendement dû, selon Félicien Nibitanga, à une maladie dite anthrocynose qui sèche les graines avant la maturité, donc avant la période de cueillette. Il parle néanmoins d'une bonne qualité cette année suite aux décisions prises visant la diminution sensible des centres de collecte qui achètent le café et stockent d'importantes quantités avant d'arriver à la station de lavage. À cause de ce stockage, le café cerise qui devrait être traité le même jour de la cueillette passe 2 jours, voire plus, sans l'être. Ce qui par conséquent diminue sa qualité, explique Félicien Nibitang. Selon lui, un centre de collecte ne sera autorisé cette année qu'au café éloigné d'une station de lavage. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire Mouzagara. On reste en Ngozi où notre reporter nous fait découvrir une fille qui fait de la mécanique. C'est Trophrine Tuizere de la colline Gitasi en commune Momba. Elle répare bicyclettes et motos depuis plus de 10 ans. Cette jeune femme passionnée de mécanique associe son métier aux études. Elle témoigne qu'elle parvient à satisfaire ses besoins, notamment ceux liés à sa scolarité avec l'argent qu'elle gagne de son métier. Armer Motore l'a rencontré. Reportage. Le métier de mécanique automobile n'est plus l'apanage des hommes. Des femmes sont aussi capables de l'exercer. Trophrine Tuizere, une jeune femme de 21 ans de la commune Mumba, en province Ngozi, est réparatrice de vélos et motos depuis plus de 10 ans. Un métier qu'elle a appris de son père. Elle nous relate ce qu'elle peut faire et comment ses débuts ont été difficiles. Je sais réparer tout sur le vélo. Sur les motos, je sais réparer pas mal de choses, si ce n'est qu'il y a des trucs que je ne sais pas encore réparer. Mais je suis en train d'apprendre pour pouvoir maîtriser tout. Avant que les clients puissent s'habituer à me voir réparer, c'était difficile. Ils étaient sceptiques à l'idée de confier leur moto à une fille. Mais avec le temps, tout s'est arrangé. Ils ont fini par voir que j'étais capable. Cette jeune fille est élève au lycée communal de Mumba dans la section économique, une filière qu'elle n'a pas voulu ni choisi. En 9e année, on choisissait les sections ou filières à poursuivre. J'ai choisi la mécanique, mais on m'a octroyé la section économique. Je me suis résignée à le faire parce que j'avais pas de moyens pour faire le recours ou me payer une école technique. Mais mon don, c'est la mécanique et je veux arriver le plus loin possible. Tofine Tuizere ajoute que ce métier de mécanique lui permet de satisfaire ses besoins scolaires. Je peux me payer le matériel scolaire avec l'argent gagné. Je ne manque pas de stylo, de cahier ou d'uniforme. Parfois, je peux gagner 10 000 francs par jour, parfois 5 000. Et des fois, je peux aller au-delà de 10 000 francs. Cela dépend des jours ou de l'affluence des clients. Le père de la jeune fille témoigne du travail de sa fille qu'il apprécie positivement. Ma fille a grandi en aimant ce métier. Je suis fier d'elle parce que quand j'ai des clients, elle m'aide dans mon travail et nous gagnons ainsi du temps. Elle arrive à un niveau satisfaisant. Cette jeune fille a l'ambition de créer une association de filles mécaniciennes en vue d'apprendre aux autres ce métier. Elle dit qu'elle a déjà eu plusieurs demandes de la part de ses amis. Pour elle, se mettre en association lui permettra de se développer et d'arriver à atteindre ses objectifs. C'était un reportage d'Armer Mutore. Le ministre en charge du développement communautaire met en garde les commissionnaires œuvrant dans différents marchés contre l'illégalité de leurs activités. Au cours d'une descente effectuée ce mercredi, dans le but de soutenir les percepteurs de taxes récemment recrutés, le ministre Gervais Ndela Kovutcha a menacé des sanctions sévères aux récalcitrants. Il promet aussi de trouver sous peu une solution à la double taxation dont se plaignent certains commerçants et confirmée par cette autorité. Le point avec, on écoute plutôt le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité, Gervais Ndela Kovutcha. Comme vous le savez, nous avons commencé une campagne de collecte des recettes des communes à partir du 1er mars 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 31. Nous venons de faire une descente sur le terrain pour avoir l'état des lieux, pour avoir l'état de collecte des recettes à mairie de Bujumbura. Nous avons commencé par le marché de Jabé et nous avons poursuivi avec les autres marchés de la mairie de Bujumbura. Les résultats que nous venons de constater sont satisfaisants. Nous sommes très contents des résultats déjà réalisés. Les chiffres provisoires que le ministère a maintenant nous encouragent à continuer à faire ce travail car nous voyons qu'après le résultat définitif, nous pouvons constater que toutes les communes puissent se développer à partir des recettes qui sont collectées au niveau local. Nous encourageons l'administration, les corps de police, la population qui nous ont accompagnés pour faciliter la collecte de ces recettes communales. Au marché de Javé, on a évoqué une question différente des autres et là où on a dit qu'on paie des taxes en mairie et quelque part ailleurs. Comment est-ce que vous comptez résoudre ce problème? Nous sommes informés de cette question, que la collecte des recettes au niveau des communes ne sont pas identiques. Nous savons qu'il y a la loi sur la fiscalité des communes, mais qui n'a pas mis en place les tarifs et les produits taxés pour que toutes les communes puissent avoir les mêmes prix de taxation pour les produits. Nous allons mettre en place une réglementation pour que tous les produits puissent être taxés de la même façon. Le ministre en charge du développement communautaire, Gervais Ndela Kovutcha, dont les propos ont été recueillis par Omer Ndouayo. Et les pluies intenses qui se sont abattues sur la province Bubanza ce mardi ont endommagé le barrage hydro-agricole de Gatura au niveau de la rivière Mhanda. Le seuil du bassin de retenue a été brisé par des courants d'eau, ce qui a fait que l'eau qui devait irriguer les champs du domaine de la Société régionale de développement de la plaine de Limbo et CRDI s'éparpille aux alentours des canaux d'irrigation, selon les témoins sur place. Le directeur général de la SRDI, Félix Hawonimana, qui a été sur les lieux ce mercredi matin pour constater ces débordements de la rivière Mhanda, fait savoir qu'on est en train de voir comment réparer ce barrage détruit et ajoute que les travaux nécessiteront beaucoup de moyens. Je vous l'avais dit dans les titres, l'Organisation de défense des droits des détenus et leurs familles demandent que les détenus ayant purgé leur peine ou ceux éligibles parmi ceux bénéficiant de la récente grâce présidentielle soient traités autrement, car ne pouvant pas rembourser les sommes détournées. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi, Jean-Marie Chimirimana, représentant légal de cette association, a suggéré qu'il fasse des travaux d'intérêt général vu qu'ils ne peuvent pas avoir ces amendes, étant en prison. Mireille Kanyak. Lors de cette conférence de presse tenue après le tour des prisons du Burundi, à l'exception de la prison centrale de Mhimba, suite aux travaux effectués, le président de l'association de défense des droits des détenus, Nabariza, a indiqué que les prisonniers sont inquiets quant aux amendes à payer pour sortir de prison. Interrogé sur le retard, selon une certaine opinion dans la mise en œuvre de la grâce présidentielle du 5 mars de cette année, Jean-Marie Nshimirimana trouve qu'il faut minutieusement opérer le choix. Quant aux informations faisant état de traitements dégradants envers le député Fabien Banchiganino à la prison centrale de Mhimba, ce défenseur des droits des détenus et de leurs familles a précisé ce mercredi lors de cette conférence de presse qu'une enquête va être menée à cette prison pour en savoir davantage. Toutefois, dit-il, lors de ce tour de prison, l'organisation Nhabariza a rappelé aux détenus appelés capita ou généraux de respecter d'autres détenus. Les bénéficiaires du décret présidentiel du 5 mars portant grâce présidentielle sont de l'ordre de 5255. Et lors de l'émission Kunama de la radio Isanganiro du 21 mars de cette année, le chef de l'État burundais a précisé ne sortira de prison que celui qui se sera acquitté des amendes infligées. Merci Mireille Kanyang. Parlons maintenant sport. Apprendre aux journalistes sportifs burundais les lois régissant le badminton et la façon de faire des reportages de façon professionnelle. Tels sont les objectifs d'une formation organisée ce mercredi par la Fédération burundaise de ce sport. Et pour que le badminton puisse se développer au Burundi, Abedi François Ndondo, président de la dite fédération, demande au gouvernement de multiplier les infrastructures relatives à ce sport. Suivez-le. Nous sommes quand même convaincus que les journalistes devront se mettre à l'œuvre, nous aider à vulgariser notre sport, le badminton, le air badminton, mais également le para-badminton. À l'issue de cette formation, les journalistes auront mieux compris notre sport, auront compris le règlement de notre sport, auront compris comment notre sport est organisé, qui jouent, qui pratiquent notre sport, qui sont les badistes, qui sont les organisateurs, dirais-je, les dirigeants de notre sport, comment est-ce que notre sport est étendu sur le territoire national, où est-ce qu'il est pratiqué, quand et comment, effectivement, les journalistes auront compris comment notre sport est organisé et partant, ils nous aideront à le vulgariser, mais également à porter à la connaissance du public des informations à rapport avec notre sport. C'est du moins notre attente. Ce que je demande, je l'adresse au gouvernement burundais à travers le ministère des Sports. Nous demandons que le gouvernement puisse mettre à disposition des sports individuels, nos sports qui se pratiquent en salle, une gymnase. Nous avons fermement besoin d'une gymnase nationale pour qu'on puisse accueillir des compétitions internationales. Abedi François Ndondo, président de la Fédération nationale de badminton. Les fidèles de certaines formations religieuses comme les adeptes de Zébi et des rumeurs qui ont empêché la participation massive à la campagne précédente de vaccination contre la poliomyélite sont certaines des causes qui ont fait qu'on n'atteigne pas l'objectif de 95%. C'est ce que a dit le médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza ce mardi lors d'une réunion de sensibilisation envers tous les intervenants en matière de santé. Les autorités administratives de leur côté ont précisé que les adeptes des Ibi ont des comportements de rébellion, mais qu'on leur prodigue souvent des conseils. Espèce Caritas Carignana. Le district sanitaire de Bubanza est composé de deux communes, Bubanza et Musigati. Au cours de la campagne précédente de vaccination pour le rattrapage des enfants qui n'avaient pas eu le vaccin contre la poliomyélite, les chiffres atteints de 92% ne sont pas satisfaisants eu égard à l'objectif global de 95%. C'est ce qui a été dit par le médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza ce mardi lors d'une réunion de sensibilisation et d'évaluation envers les représentants au niveau de la santé, des confessions religieuses, de l'administration et d'autres associations. Docteur Joël Vigilimana a précisé que les causes principales sont notamment liées aux adeptes de Ezebi, nombreux surtout en commune Musigati, qui fuient lorsqu'ils apprennent qu'il y a une campagne de vaccination et que même les enfants quittent les écoles et ne retournent qu'à la fin de la campagne. Aussi, il y a eu des rumeurs qui empêchaient les parents à amener leurs enfants enfants à la vaccination, soi-disant qu'il s'agissait du vaccin contre le COVID-19 ou encore que c'est un vaccin contre la reproduction. Tout cela a fait que les enfants vaccinés soient moins nombreux par rapport à ce qu'on attendait, selon Dr. Joël Bigirimana. Par contre, au niveau du district Manda, composé des communes de Gihanga, Manda et Rugazi, on a pu atteindre 100%, comme ça a été rapporté au cours de la même réunion. L'administrateur de la commune Mosigati a précisé que les adeptes de Ezebi sont des gens difficiles et qui refusent tous les programmes et projets organisés pour le bien de la population. Deo Kwizerimana a indiqué que les administratifs continuent cependant à leur prodiguer des conseils et que des fois des sanctions sont données à ceux qui se comportent contrairement à ce qui est conseillé. Certains sont même emprisonnés actuellement, comme l'a précisé l'administrateur de la commune Musigati. Merci Spé, c'est l'aménagement d'une chaussée de grande tenacité respectant les mesures environnementales et l'indemnisation des personnes dont les parcelles sont concernées par le projet de bitumage de la RN16 tronçon Tawagakuba en province Bururi doivent figurer dans les priorités de tous les intervenants dans l'exécution de ce projet. Ce sont certaines des recommandations formulées ce mardi par le Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni après sa visite pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Cette visite est intervenue au moment où une cinquantaine de familles se plaignent de ne pas avoir encore perçu leurs indemnisations. Parle, rassure-moi. Je vous l'avais dit dans la chronique sur les messages de haine ce mercredi, l'on nous montre comment l'ascendant moral des leaders sur leurs sympathisants les appelle à être des témoins actifs. Selon Rémi Aviarimana de la maison Lueur d'Espoir, même des conflits peuvent surgir lorsqu'un leader fuit ses responsabilités, d'où son rôle dans leur prévention ou leur résolution. Ornella Mucho. Un leader est une personne capable de guider, inspirer, influencer positivement. Rémi Abdelimana de la maison Lueur d'Espoir ajoute également qu'un leader a un rôle de faciliter le processus de résolution des conflits en cas de problème quelconque. S'il devient témoin passif, dans son cas, c'est un mauvais leader. Tout leader doit tenir compte justement de la force de ce qu'il dit, de ce qu'il fait et de ce que les gens peuvent penser de lui. Un leader est cette personne donc qui a un certain nombre de personnes qui adhèrent à ses prises de position et qui peuvent justement agir conséquemment à ses positions. Quand un leader évite ou ignore les conflits, il peut être considéré comme complice de ce qui se passe. Admettons d'abord que ce leader qui se retrouve passif par rapport aux situations inquiétantes, ça peut d'abord signifier que, quelque part, il n'est pas en accord avec d'autres leaders. Ceux qui adhèrent à ces principes peuvent lire dans ce silence un message qui est ambigu. Desmond Tutu l'a si bien dit, il a dit que si une personne se positionne vers le silence lorsqu'il y a des victimes, c'est que la personne s'est positionnée en défaveur de la victime. Les conséquences seront très néfastes, effectivement. Les gens vont continuer à s'entretuer s'il s'agit de guerre, continuer à voler s'il s'agit de cas de vol, continuer à faire tous les maux que nous voyons dans la société, la malversation, la corruption, les viols et autres. Un leader doit agir à temps et communiquer en toute transparence et surtout tenir compte de ce qu'il dit. C'est important donc qu'il se positionne. Qu'il se positionne positivement dans le sens de construire. Qu'il dénonce le mal qui est en train d'être fait. Qu'il aille même jusqu'à proposer des punitions à l'endroit des auteurs de ce mal. Alors là, même ceux qui sont en train de le suivre, ceux qui l'apprécient, vont prendre position et finalement la positivité va, disons, régner sur la négativité et la paix va encore une fois régner sur l'absence de paix. Un mauvais leader peut susciter des divisions dans la société car sa position a de l'influence sur ceux qui l'écoutent, signale Rémi Aviarimana. Merci Ornella Mucho. Et pour boucler ce journal, sachez que la Cour pénale internationale a confirmé en appel sa décision, la peine de 30 ans de prison contre Bosco Ntaganda. L'ancien chef de guerre et général de l'armée congolaise est reconnu coupable de 18 chefs d'accusation pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Ituri en 2002 et 2003. À l'époque, celui qu'on surnomme Terminator était l'un des chefs de l'UPC, une des milices impliquées dans la guerre civile. Il ne lui a été reconnu aucune circonstance atténuante. On rappelle que sa carrière d'éternel rebelle s'arrête en 2013. Quand menacé par ses anciens compagnons d'armes, il se rend de lui-même à l'ambassade des États-Unis à Kigali. Et une enquête menée par la Division des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali, le MINUSMA, appuyée par la police scientifique des Nations Unies, conclut qu'une frappe aérienne conduite par l'armée française au Mali en janvier a tué 19 civils réunis pour un mariage et non pas seulement des djihadistes comme l'a soutenu Paris jusqu'alors. Le ministère français des armées a réfuté mardi toute bavure au Mali et a émis de nombreuses réserves sur cette enquête. Les événements sont survenus le 3 janvier près de Bounti, au centre du Mali. Il est 13h18 à Bujumbura et sur l'Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Eli Kadogo pour la mise en onde. Micro, Jean Bosco, Ndouimana. Passez un très bon après-midi.